Oui, allô? Bonjour, monsieur. Que pensez-vous de la religion? Ouh là là, vous me posez une sacrée question, là. Eh bien, tout d'abord, je pense... respecter la volonté de chacun. Moi, je ne vais pas à l'église, mais je suis croyant. Je ne supporte pas les sectes. Je suis attiré par le bouddhisme. Je connais la vérité. Tu es là pour nous guider. Non-juif. Chacun pense qu'il veut. Watch out! Hey, salut, salut, salut, c'est moi Dada. Je suis sur le mic pour tous ceux qui tapent. Que ça sacrifie à la Bouddha ou Jéhovah. Et bah la religion, ça fait toujours des dégâts. Arrête homme, ça crée des divisions. Les personnes se tapent dessus pour un oui ou pour un non. Ils se rendent pas compte dans quelle merde ils sont. C'est mes sacs interdits à toute la population. Religion. Que la religion ressort était la base en Orient, en Occident. Inutilité car ils étaient ignorants. Mais dis-moi alors à quoi elle sert maintenant. Deuxièmement, ça crée un manque d'ouverture. Ils se renferment afin d'être les plus purs. Ce que je peux dire et ce dont je suis sûr, c'est qu'ils vivent une véritable dictature. Merci de dicter, puis tais-toi. Sinon tu as affaire à moi. Je suis la mère de qui dicte tes lois. Et qu'en fait, j'en fais qu'un pognon à la fois. Oui, c'est dur d'apprendre la vérité. Que il s'est cassé, c'est à moi qu'il faut donner. Allez, allez, obéissez. Vous connaîtrez le bonheur pour l'éternité. Les dieux sont des espoirs pour tous ceux qui croient du moi. Mais ça sert à quoi de croire en une illusion retirer tes lunettes noires. Le pire c'est les gens qui utilisent la religion, se disent religieux pour faire bon l'impression. Mais d'un coup des principes c'est ça qui est con. Mais bon pour ça je ne citerai pas de nom. Car aussi les gens qui ne savent pas où aller, qui de chaque parti prennent les bons côtés. T'es croyant ou tu n'es pas même pour décider. Apprendre à te connaître, savoir qui tu es. Tu vas dire que moi, je suis dans ce cas. Je suis pas right of our right, mais je me bats sur ça. Je me réfère à l'état du style, la musique raga. Et bah t'as tout volé car je pisse sur ça. Non-juif. Chacun pense qu'il veut. Eh ben putain.